Quand un homme est arrivé à sa finalité, à comprendre tous les aspects de ce monde-là. Parce que par le truchement des incarnations ou par le truchement de la descente de certaines de ses facultés dans des plans invisibles, qui ne sont pas un phénomène de réincarnation, mais qui est un phénomène de descente quand même, elle va chercher toute l'information de ces mondes-là. C'est pour ça que lorsque l'homme est en union et qu'il vit la fusion de l'âme avec l'ajusteur de pensée, il n'a plus besoin de penser. Quand tu penses, c'est l'intellect qui rentre dans l'univers. C'est l'intellect. Puis il est assujetti au plan inférieur, au mode inférieur de l'évolution. Ça se fait seul. Ça nous est enlevé. C'est comme un gars qui construit un building, un architecte qui construit un gros building. C'est évident que si le gars est capable de construire un gros building, il est capable de planter un clou que le menuisier plante. Comprends-tu, Billy? Parce qu'il y a une dimension d'expérience tellement vaste comparée avec le gars qui plante des clous que c'est facile pour lui de descendre en bas puis planter un clou s'il a à le faire. Parce qu'il connaît toute la mécanique de la construction de ce building-là. Ben, l'âme, c'est un petit peu la même chose. Alors, l'ego, lui, pour bénéficier de la compréhension totale, autrement dit, de la mémoire de l'âme, il est obligé d'arrêter de planter des clous. Puis de s'asseoir à la table où le grand dessin se fait. Et ça, c'est la mémoire de l'art. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut qu'il perde l'habitude de penser. Je reviens à la question, ça part-tu tout seul, ça? Vous avez dit, on n'a rien à faire, on n'a pas d'effort. Et si, quand on reçoit des pensées subjectives, on doit arriver avec notre volonté? Quand vous recevez des pensées subjectives, c'est pour ajuster votre mental. Mais faut pas se complaire, faut que vous en soyez conscient. Le fait d'en être conscient, on s'en est bien. Le fait que vous en soyez conscient, ça diminue le pouvoir vibratoire des pensées subjectives sur votre mental. C'est ça qui vous amène petit à petit à perdre la faculté de penser. Et vous pouvez pas arrêter de penser parce que vous le voulez ou tout seul. C'est le travail qui se fait d'en haut. Ça, c'est l'ajusteur de pensée qui fait ce travail-là. Quand l'âme est descendue dans la nation, le temps qu'il a créé l'ego et la personnalité. Tu peux même avoir des petits écroches. Oui. On va en parler une autre fois, ça. Ils veulent pas en parler tout de suite, ça. C'est pas ma faute! Je suis capable d'attendre. C'est important, cette question-là. Mais ça me surprend que la question surgisse et qu'ils veulent pas répondre. Parce que c'est eux autres qui ont envoyé la question. C'est parce que c'est vibratoire. C'est vibratoire. C'est justement là que l'âme entre en jeu quand c'est vibratoire. C'est là la réalité de l'homme. Moi, souvent, ils me disent, c'est pas important que tu le saches tout de suite, tu sauras plus tard. Ils vont par phase. Par phase. Ça nous, on digère, puis on digère, puis on digère, puis on digère. Et d'ailleurs, on sait que l'âme est immatérielle, immatérielle, ça, on le sait, ça. Sa partie, qui est immatériel, c'est l'essence, ça vient de l'essence. Puis l'autre partie est faite avec les matériaux dispenseurs. C'est juste pour ça que, moi, des corps physiques éthériques. On en parlera de l'âme, puis de la personnalité, puis de l'ego. Ça va être un bon sujet. Mais essentiellement, tu vois que c'est toujours l'intelligence qui rend le show. Tout le temps. Hein? S'ils tiennent aux formes, s'ils sont pris dans les formes à partir de tous les corps, jusqu'au monde, voilà. Ils disent qu'ils l'ont connu simplement que les concepts ou les préceptes qu'ils ont fait, reçus avec d'une intelligence, la réalité qui a rien. La réalité a rien. Ils sont venus expérimenter, éveiller leur existence dans leur intelligence en tant que volonté, conscience et âme. Ils ont parti d'une partie que la réalité est rien. Alors, toutes les formes qu'ils ont entendues à leur intelligence, d'intellect, pas mental, à l'actuel de la vie, ça n'existe pas dans la réalité. Ça existe simplement pour des formes d'intelligence, d'évolution de palier à leur évolution totale jusqu'à leur âme et dévastée. Il faudrait qu'il parle de la conception qu'il n'existe rien, ce sont toutes les formes de cerveau à la réduction. Oui. Mais c'est dur pour l'ego de fonctionner de même. Parce que l'ego a toujours besoin d'un support. Mais c'est pour ça que je vais là, je vais faire les parts tranquillement, pas vite, parce qu'eux ne pourraient pas le mettre ça, parce qu'ils ont bien cette forme pour les perdre. Ah, faut que ce soit fait graduellement. Sans ça, l'homme passerait par une dépression psychologique. Il serait tellement longtemps prisonnier de ses formes qu'il viendrait tellement polluer que presque la totalité nous revient. Il y aurait une perte d'énergie à fond des formes. En détruisant les formes, la réception de leur énergie passée par leur âme fait qu'ils peuvent se conscientiser après se fusionner. Ça dépend de chaque concept que l'âme a. Mais ça prend de loin pour venir détruire ces formes-là, parce que ça, c'est là, ils sont pris dans par chaque forme a un champ magnétique très fort. Et puis, il y a une intelligence au-dessus de ça qui vient de l'intelligence, au-dessus de l'intelligence de la création qui peut détruire ces formes. Dans leur enseignement, c'est une quand on apprend à compter un enfant, on va lui dire deux assiettes plus une assiette, ça peut être trois assiettes. On va prendre une assiette au début. Après ça, il n'y a plus d'assiettes, on dit deux plus un, c'est trois. C'est la même chose. Même chose. Essaye de dire ça, deux plus un, puis ça fait trois au début, il n'est pas grave. Il y a besoin d'une forme. Après ça, il n'y a plus besoin d'une forme. C'est ça. Ça veut dire, si tu penses pas, t'as pas besoin de poser de questions. Ben, évidemment. C'est tout ça, quand tu penses pas, t'as aucune curiosité. Comme t'as reste, je disais, quand on t'écoute parler, je pose des questions, je pense pas, il va te poser des questions. Ouais, mais ça, c'est votre cas. Les hommes sont faits différemment, il y a tout ça, de personne. Mais individuellement, personnellement, quand tu peux pas passer, tu peux pas poser de questions, t'es pas intéressé à rien. Ben, t'es bien. Mais une destruction de forme peut automatiquement engendrer des questions, parce que ça engendre de l'émotion. Ouais. C'est ça Guy disait tout à l'heure. Pas penser, pas de questions. Ça me venait à ça, Guy. Oui, mais ce qu'il y a d'important ici aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ne parlent pas de leur ego. Il y a peut-être des gens qui parlent parce que c'est la seule façon qui vont aider à détruire les formes des autres. Une forme se détruit par la parole du droit d'intelligence qui est dedans. Si personne ne parle, personne ne parle pas, ça va être difficile. Et celui qui s'ouvre pour poser une question sincère, et devient récepteur à une présence qui est vibratoire. Il peut servir plusieurs, non seulement pour lui. Souvent, celui qui pose la question ne la comprendra pas, parce que ça vaut comme ça. C'est vibratoire, c'est pour ça. Il y en a qui posent des questions. C'est sûr, excuse-moi, c'est sûr que les gens disent qu'ils ont plus de questions. Mais les gens, le jour que les gens vont venir ici, ils n'auront plus de questions, je viens en plus. Parce qu'ils recevront en eux-mêmes ce qu'ils auront à recevoir. Ils peuvent recevoir que Bernard, il n'y a pas de distance avec lui, tu peux donner à celui qui peut recevoir. Mais il est là pour détruire les formes de chacun de nous pour qu'on puisse recevoir de n'importe où. Peut-être pas n'importe comment, de n'importe où. C'est pour ça que les questions globales, ceux qui ne posent pas de questions peuvent comprendre direct. Et d'autres qui ne posent pas de questions sont enfermés dans leur ego parce qu'il y a une gêne ou un orgueil ou autre. Que les autres qui posent des questions aident à ces gens-là à s'ouvrir. Bien au soir, c'est eux qui posent des questions. L'affaire de poser des questions, là. De poser des questions. Il y a deux façons de poser une question. Il y a une façon, on peut poser une question avec l'intellect, ou on peut poser une question avec l'intelligence. Moi, je peux aller voir avec Croteau et me dire, explique-moi donc ça, cette affaire-là. Ça veut pas dire que je peux pas le savoir, mais pour que je le sache, il faut que quelqu'un me pose la question.